الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى après avoir fait la révision des 10 derniers cours ou plutôt des 10 premiers cours concernant la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام comme d'habitude كالعادة إن شاء الله تعالى نواصل مع سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام donc on poursuit quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى quand on aura terminé ou plutôt on sera arrivé au 20e cours, on fait encore la révision, yani des 10 cours qu'on aura terminés, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, on avait parlé sur, ou plutôt concernant le dernier cours sur la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, de la conversion de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, ainsi que la conversion de Hamza ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda. Et on avait dit que leur conversion ont renforcé l'islam. Et ont renforcé l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, à da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala, et ont aidé le prophète alayhi salatu wa salam quant à la propagation de la religion de l'islam, wa hadha min fadlillah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, bien sûr, est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Na'am. Pour sortir les gens, min al-dhulumat ila al-nur, ay min al-jahl ila al-ilm, min al-batil ila al-haq, bi-idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et ceci par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a continué ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa fi Mecca. Donc il a continué son appel à la prière, plutôt à fond son appel à la religion. Ici, il était à Mecca. D'accord? Umar ibn al-Khattab, alhamdulillah, s'est converti. Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda s'est converti. Il y avait un groupe de croyants qui était là pour entourer et soutenir le prophète alayhi salatu wassalam. Car bien qu'il ait été prophète et messager, et le meilleur des messagers et le meilleur des prophètes, le prophète alayhi salatu wassalam avait besoin de quoi? De gens autour de lui. Ça, c'est la preuve que quoi? N'importe quel da'i, n'importe quel alim, a besoin de gens autour de lui pour le soutenir. Car le prophète alayhi salatu wassalam, binafsihi lui-même, il a eu besoin ici de l'aide de Abu Bakr, de Omar, de Hamza, de Ali, de Uthman, yani ila akhiri. Yani de tous ses compagnons qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. La preuve que toi tout seul, et tout se fait bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Lakin, toi tout seul, tu ne pourras jamais ici transmettre la religion efficacement si tu es tout seul. Et ça, je dis de façon générale. De façon générale. Il y a des cas précis, des cas particuliers, dans des circonstances bien particulières. Là, qu'en umum, mais en général, il te faut du soutien. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est une chose très claire et évidente. Il te faut du soutien. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, essayait de toucher les têtes. Ar-ru'us. Il essayait de toucher les têtes. Donc, les personnes qui avaient le plus d'influence à Mecca. Parce qu'on sait, comme on l'a dit, que quand toi, yani, tu vois qu'il y a des gens qui ont une grande notoriété, et qu'ils ont beaucoup d'influence, ou alors ils font partie min al-aghniya ou min al-aqwiya, yani ils font partie des personnes très fortes ou des personnes très riches. Quand ces personnes-là rentrent dans l'islam, ils ont beaucoup d'influence. Quand on entend une célébrité qui embrasse l'islam, c'est pas la même impact que si on entendait qu'un pauvre embrassait l'islam. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire que la personne célèbre et la personne riche est meilleure. Afdal indallahi tabaraka wa ta'ala. Non. Ça n'a rien à voir. Lakin, c'est une chose, yani, évidente. Quand une personne est connue et qu'il embrasse l'islam, il a souvent plus d'influence. Et les gens, yani, ont tendance à suivre plus cette personne-là et à suivre le chemin qu'il a emprunté. Le prophète, alayhi salatu wasalam, faisait da'wa avec les riches. Avec les riches, les notables de la Mecque. Et pendant cette période-là, alors qu'il faisait cette da'wa à la Mecque, vous connaissez tous le récit de Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu wa arda rajulun a'ma, un homme aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran al-Karim. Donc Abdullah ibn Ummi Maktoum, afwan, donc cette personne là qui était aveugle, il était venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, alors que le prophète alayhi salatu wa salam était à la Mecque et appelait les gens à l'islam, et surtout les têtes, surtout les têtes. Et ça nous rappelle, car ça, c'est une ibra, une leçon pour nous tous, umouman, pour tous. Ibtida'an li habibina al-Mustafa alayhi salatu wa salam. En premier lieu, bien sûr, ça concerne le prophète alayhi salatu wa salam. Lakin, umouman, c'est pour l'ensemble des gens. Nous rappeler qu'on ne doit négliger personne dans la da'wah. C'est pas parce que tu vois une personne qui est faible, personne, يعني, il est peu connu. Ou alors, il est égaré. Il est très égaré de la religion. Et tu commences à le critiquer. Peut-être demain, lui, il va rentrer en islam. Et il va être la cause de l'entrée en islam de centaines de personnes. Ou peut-être même de milliers de personnes. Faut négliger personne. Quand une personne demande la religion, يطلب هذا الدين, يعني, à toi, ici, de lui donner du temps. Amma les gens qui ne veulent pas la religion, tu dois leur donner du temps. Walakin, tu dois commencer par ceux qui veulent la religion. Abdullah ibn Ummi Maktoum, cet aveugle, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui demandait, ici, il lui demandait des renseignements concernant la religion. Il voulait apprendre concernant, ici, des choses en plus concernant cette religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est détourné de lui. Abasa fi wajhihi wa tawalla an Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu wa arda. Il s'est renfrogné, c'est-à-dire les traits de son visage, et il s'est détourné de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Wa dhakara dhalika jalla wa ala fi kitabihi al-aziz hinama qala bismillahi ar-rahman ar-rahim abasa wa tawalla ay habibina al-mustafa alayhi salatu wa salam an ja'ahu al-a'ma ay Abdullah ibn Ummi Maktoum an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات ذكر ذلك جل وعلا في كتابه العزيز. الله سبحانه وتعالى mentionné cette situation dans le Coran al-Karim. Et il dit dans le Coran al-Karim بسم الله الرحمن الرحيم il s'est renfrogné et s'est détourné. C'est qui? Le prophète عليه الصلاة والسلام. عبس في وجهه وتولى عن عبد الله بن أم مكتوم أن جاءه الأعمى أي عبد الله. Donc quand, parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier, c'est-à-dire Abdullah ibn Ummi Maktoum, comme on dit les savants, et on a déjà vu ça avec les frères dans les cours de tafsir. Donc, c'est-à-dire à se purifier, yani de ses péchés, etc. Et, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse. Donc, c'est cela. Concernant les notables. Donc, Allah, il parle d'eux. Quant à eux, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie ou pas. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, c'est-à-dire Abdullah ibn Ummi Maktoum, celui-là, il vient vers toi. Allah, il parle au prophète, alayhi salatu wassalam, tout en ayant la crainte. Wa huwa yakhsha. Abdullah, wa huwa yakhsha. Et il craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qulna anna al-khashya. Et on avait dit que al-khashya, la crainte, c'est al-khawf bi, al-ilm. C'est la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, accompagnée de quoi? De science. Celui qui a peur d'Allah, azza wa jal. بعلم على بصيرة ici avec clairvoyance, avec science, ça donne ce fruit là qui est الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Voilà pourquoi Allah عز وجل dit seul parmi mes esclaves, ou seul me craignent parmi mes esclaves les savants. Et il utilise الخشية, la peur accompagnée de science, c'est الخشية. Et Allah عز وجل il parle de Abdullah ibn Ummi Maktoum et il dit concernant ce personnage là tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi. Kalla, innaha tadhkira. Allah Azza wa Jalla dit, mais non, c'est-à-dire, n'agis plus ainsi. Au prophète, alayhi salatu wassalam, n'agis plus ainsi, vraiment, ceci est un rappel. Ila akhir al-ayat. Donc, c'est pendant cette période aussi que s'est passée cette histoire qui est citée dans le Coran al-Karim. Et ça nous a donné une leçon ici, et ça donne plutôt une leçon à l'ensemble de la communauté, et ça nous rappelle qu'on doit négliger aucune personne dans notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on doit diriger notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala ibtida'an ala man yatlub. On doit diriger cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala, cette da'wa, avant tout vers celui qui demande. Celui qui demande. Amma celui qui ne demande pas, tu dois lui faire da'wa. Lakin commence par ceux qui veulent ici l'islam. Si toi tu sais que tu vas aller à la mosquée, tu vas donner un cours et tu as les capacités de donner un cours et les gens vont assister et ils demandent la science, est-ce que tu vas dire non, moi je ne fais pas cours, je vais aller faire ad-da'wa aux autres personnes qui sont dehors et qui sont éloignées? Commence par ceux qui veulent. Et à côté, en parallèle, va faire da'wa à ceux qui sont éloignés de la religion. La haraj. Et ça c'est demandé. Ça c'est demandé. De ne négliger personne dans da'wa. Là, qui n'en commence par ceux qui veulent la da'wa, ayyuhal ikhwatul kiram. Et ça c'est important à savoir. Et Abu Bakr radiallahu anhu arda, alors qu'ils étaient à Mecca. Et on avait dit qu'il y avait eu les deux hijras, il a ardi al-habasha. Donc parce que as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils étaient persécutés. Donc ils étaient torturés, ils étaient persécutés, etc. Donc ils ont fait deux hijras en Abyssinie. Une partie était en Abyssinie, ila ard al-Habasha. Et une autre partie restait avec le prophète alayhi salatu wa salam à la Mecque. Et le prophète a continué sa da'wa. il s'est pas arrêté. Bien qu'il y ait eu les persécutions, bien qu'il y ait eu al-mashakil, les soucis, les problèmes, les tristesses, les angoisses, les persécutions, le prophète il a continué ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Son souci principal c'était quoi? La propagation de cette religion. Son souci principal c'était al-akhirah. Son souci principal c'était d'accéder à al-jannah. C'était pas les problèmes d'ici-bas. Ce n'était pas du tout les problèmes d'ici-bas. Abu Bakr l'a aidé. On a dit le prophète il n'était pas seul. Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, il a aidé le prophète alayhi salatu wa salam dans sa da'wa. Et il est rapporté par certains yani al-siyar, donc certains historiens concernant parmi eux Ibn Jarir et d'autres. Donc il rapporte que Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda tellement qu'il pleurait quand il récitait al-Qur'an al-Karim qu'il y avait des gens qui embrassaient l'islam juste parce qu'il pleurait. Abu Bakr كان يقرأ القرآن ويمشي هكذا على الطريق. Il partait, il marchait dans la rue comme ça, il récitait le Coran al-Karim et les gens étaient sensibilisés. وكثير من المشركين, et beaucoup d'associateurs, ils le voyaient, Abu Bakr يمشي هكذا ويقرأ القرآن ويبكي, et il pleurait et les gens, il y avait beaucoup de personnes qui embrassaient l'islam jusqu'à ce qu'il ait rapporté que Abu Bakr radiyallahu anhu arda avait construit ou avait mis en place une sorte de musalla, une sorte de mosquée, un lieu de prière. يعني خلف بيته, derrière sa maison, et où il se réunissait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, où il récitait le Coran al-Karim et il priait. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient partie des associateurs, principalement parmi leurs femmes, leurs enfants, qui se dirigeaient vers cet endroit-là. Ils étaient sensibilisés ici par le comportement d'Abu Bakr, c'est-à-dire il pleurait beaucoup. Et ils allaient voir, c'était ouvert. Et ils allaient voir que ce que faisait Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, et quelle parole faisait pleurer Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. وذكر بي بالقرآن, et rappelle par le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis un effet extraordinaire dans le Coran al-Karim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ça c'est Allah qui le dit concernant le Coran al-Karim, s'il était descendu sur une montagne. Allah subhanahu wa ta'ala montre que cette montagne se serait affaissée, avec une traduction approximative, par humilité envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Que dire de ce Coran qui est récité ici sur les gens? Ce Coran, ayyuhal ikhwatul kiram, qui touche les cœurs, mais pas les cœurs morts. Pas les cœurs morts. Il y en a wallah il adim. Tu vas lire le Coran tout entier, il ne pleurera pas une seule fois. Il y en a wallah wa rabbil ka'ba. Ils entendent juste bismillahir rahmanir rahim. Khalas. Son cœur, il vibre, il a envie de pleurer. Ça c'est pourquoi. Il y a des cœurs vivants, il y a des cœurs morts. Il y a des cœurs vivants, il y a des cœurs morts. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub allati fi as-sudur. Allah il dit ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc ici Abu Bakr radiyallahu anhu warda récite le Coran al-Karim. Beaucoup de personnes walillahi alhamd embrassaient la religion, et ici les Quraysh et les associateurs bien sûr ils n'ont pas accepté ça. الذين كفروا ينفقون ليصدون عن سبيل الله كما قال تعالى. نعم الذين كفروا ينفقون ليصدون عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى il parle de quoi? Des kuffar, des associateurs, des mécréants, des hypocrites. عموما de façon générale, الذين كفروا, ceux qui ont mécru, ils dépensent pour obstruer le sentier d'Allah سبحانه وتعالى. Ça c'est clair. Ça veut dire que, de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran al-Karim que les associateurs et les mécréants mettront tout en œuvre et feront des dépenses pour simplement obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour empêcher que cet islam avance. Donc Allah il le dit dans le Coran al-Karim. وَهَذِهِ الْآيَةَ دُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤْمِنِ أَنَّ الْمُسْلِمِ لَبُدَّ أَنْ يُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et ça nous prouve que le croyant, que le musulman, se doit de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا? لأن الله قال الذين كفروا ينفقون ليصدون عن سبيل الله. Car ici les associateurs et autres dépensent pour obstruer le sentier d'Allah. Nous, ça nous rappelle qu'on doit dépenser pour transmettre cette religion. Car eux font l'inverse. On voit que si il faut dépenser de l'argent pour empêcher ad-da'watu ila Allah azza wa jal, que ça soit dans des pays musulmans ou non musulmans, alors là on dépense, il y a pas de problème. Si c'est pour mettre en place akramakumullah des boîtes de nuit, pas de problème, on donne l'argent. si c'est pour mettre en place يعني, des choses qui vont égarer les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème, on dépense. Lakin, si c'est pour construire des mosquées, يعني, je ne dis pas pour tout le monde, mais on voit يعني, que c'est plus difficile de dépenser pour construire une mosquée, de façon générale, que de dépenser pour certaines personnes pour qu'il y ait une boîte de nuit, par exemple, à akramakumullah. Donc on voit que dans beaucoup de pays, wal'iyadu billah, ils facilitent plus la propagation du mal que la propagation du bien. Et on voit que ici, quand ils ont vu Quraysh, les associateurs, que Abu Bakr a mis en place cette chose qui attire les musulmans à l'islam, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Mais si Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda, wa hasha, et ici, il aurait mis une chose en place pour détourner les gens de l'islam, bien sûr, ils auraient été contents. Ils auraient été heureux. Lakin, ils n'ont pas été contents, pas été satisfaits, et ils l'ont menacé. Ils ont menacé Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda, s'il continuait, yani, qu'il y aurait des répercussions néfastes pour lui. Ala kulli hal, Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda, ainsi que le prophète, alayhi salatu wa salam, n'ont jamais été intimidés. Car leur souci principal, c'était quoi? Ad-da'watu illallahi tabaraka wa ta'ala. C'était l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda a aidé aussi le prophète alayhi salatu wa salam quant à cette mission-là. Et Abu Bakr a trouvé un endroit où il priait, où il récitait le Coran al-Karim. Car c'est très important d'avoir un endroit, une base pour travailler, c'est-à-dire transmettre la religion, apprendre la religion, éduquer nos personnes, éduquer les gens, et ceci à travers Al-Kitab wa Sunnah, et ceci à travers Al-Qur'an et la Sunnah. Et cette base-là, chez nous les musulmans, c'est quoi? Al-Masjid, c'est la mosquée. Et on verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, la première des choses que le prophète alayhi salatu wa salam a fait quand il a fait Al-Hijra ila Al-Madinah, il a fait l'émigration à Madine. Quand il est arrivé à Madinah, il a fait quoi? Il a construit une mosquée. Donc on voit qu'une mosquée, c'est très important, et que le but principal de la mosquée, c'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour que ça soit un café, ou alors que ça soit un endroit, wal'iyadu billah, où les gens se concurrencent dans les décorations. Et ça fait partie des signes de la fin du monde, où les gens vont se vanter de la décoration qu'il y a dans les mosquées. Moi, j'ai une plus belle mosquée que toi. Moi, ma mosquée est plus belle que la mosquée que nous on a fait. Cette mosquée est plus belle. On ne dit plus, il y a plus de piété, il y a plus de ilm dans cette mosquée. Lakin, la mosquée, un tel est plus belle. Et ça, c'est un égarement, wal'iyadu billah. Qu'une mosquée soit belle, mais tout en restant ici, dans le raisonnable. C'est-à-dire qu'elle soit belle sans qu'il n'y ait eu ici de israf ou at-tabdhir. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wal'iyadu billah, comme a dit Ta'ala. Car sans qu'il y ait ici de gaspillage et autres, elle peut être belle tout en étant sainte. Il n'y a pas de mal. Le principal, c'est qu'elle soit propre et qu'il y ait une bonne odeur. Ça relève de la sunna. Amma embellir les mosquées, et que les mosquées sont vides en ilm et en piété, ce n'est pas le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les mosquées se construisent. Et c'est pas dans ce but-là que le prophète a construit la première mosquée. Vous croyez que la première mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, où ad-da'wa a commencé, où le travail a commencé, elle faisait 5000 mètres carrés? Elle était toute petite. Et de là a commencé le travail qui s'est propagé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça a été la cause que quoi? Il y ait des millions et des millions de mosquées. Donc c'est pas la taille, c'est pas la beauté, lakin c'est la qualité. C'est at-taqwa Allahi azza wa jalla qu'il y a dans, que tu retrouves dans les mosquées. C'est pas le nombre de personnes qui nous importe, lakin c'est la qualité qui nous importe. C'est la qualité, c'est pas le nombre de personnes. Et ça nous rappelle que la mosquée, c'est très important. Ça, la mosquée, c'est très important pour transmettre cette religion qui est la religion de l'islam. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, donc, a connu une année très, très affligeante. C'est l'année qui a été appelée par les historiens Amul Huzn. Tout le monde connaît cette année-là. Amul Huzn. L'année, si on veut, l'année de la tristesse. Certains ont dit l'année noire. Et année, c'est une année où il y a eu une avalanche de quoi? De tristesse. Al-Ibtila'at. Les épreuves sont tombées sur le prophète alayhi salatu wassalam pendant cette année-là. Des dures épreuves, ce n'est pas n'importe quelle épreuve, de très dures épreuves. Parmi ces épreuves-là, il y a eu la mort de la personne, ou plutôt de cette personne qui a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, et qui a été la cause, je rappelle bien la cause, parce que les causes ne profitent en rien et ne nuisent en rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était qu'une cause, lakin c'était une cause ici, très bénéfique pour le prophète alayhi salatu wasalam. Il y a eu la mort de ce personnage-là qui a soutenu le prophète alayhi salatu wasalam alors qu'il était kafir. Alors qu'il est mort mécréant. Il est mort dans l'association wal'iyadu billah. Il est mort dans l'association walakin ma'a dhalik, avec cela, il a soutenu le prophète alayhi salatu wasalam. C'était la mort de son oncle ammuhu Abu Talib. Donc son oncle Abu Talib. Est-ce qu'on a droit de dire rahimahullah ta'ala? بإجماع العلماء لا يجوز. On peut pas dire d'un associateur rahimahullah ta'ala comme يفعلون كثير من يعني إخواننا. Il y a beaucoup de frères qui le font et qui le disent, lakin ils ne savent pas. Ça c'est la yajuz بإجماع العلماء. Ça, il n'y a pas droit de dire rahimahullah ta'ala, qu'Allah azza wa jalla lui fasse miséricorde, celui qui est mort dans l'association. Amma idha kana hayya, s'il est vivant et c'est un associateur, يعني et tu demandes al-hidaya pour lui, هذا مطلوب. Ça, il y a aucun mal à cela. Il y a aucun mal à faire du'a pour lui. Yani, s'il est vivant. Mais quand il est mort, tu n'as pas le droit de demander al-istighfar pour lui, le pardon, ou alors de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et on va voir les preuves ici, inshallah ta'ala. Donc ici, Abu Talib radiallahu anhu wa arda a été rongé par la maladie. Et ça, c'était en l'an 10 de la mission prophétique. 10 années sont passées. Donc là, on est en l'an 10 de la mission prophétique. Ba'd al-bi'tha. Donc après la révélation, 10 années sont passées. À la 10e année, amul huzn. Et ici, Abu Talib a été rongé par une maladie. Il était malade énormément. Et yani, il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, d'accord, qui nous mentionne qu'Abu Talib avait à son chevet le prophète alayhi salatu wassalam. Donc quand il était yani, à la firash il maut, Abu Talib, il était à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète est venu le voir. طبعاً, c'est normal que le prophète vienne visiter son oncle alors qu'il l'aimait. ولكن هذا الحب الحب الطبيعي والحزن la tristesse dont on va parler c'est une tristesse طبيعي aussi naturelle qui est يعني dans ou que n'importe quelle personne peut ressentir. Ça ne rentre pas dans le wala ou le bara. Certaines personnes ils vont dire on n'a pas le droit d'avoir de l'attirance, aucune attirance envers un non musulman ou يعني avoir un amour quelconque, je dis bien quelconque, envers un non musulman. Eh ben nous disons c'est une erreur. Aimer en Allah et détester en Allah, c'est demandé en islam. Tu ne peux pas l'aimer en Allah. Al-hub fi Allah tabaraka wa ta'ala ma'a kafir, hadha la yajouz. Walakin al-hub al-tabi'i, hadha ja'iz. Wa al-dalilu ala dhalik, et l'amour naturel, c'est autorisé. Et la preuve dans cela, est-ce qu'un musulman a droit de se marier avec une personne ou une femme de Ahlul Kitab? Il a droit. Donc s'il se marie avec une femme de Ahlul Kitab, ce n'est pas une musulmane. Donc, tabaan, logiquement, tu vas l'aimer. Donc tu peux avoir cet amour. Donc la preuve, tu as droit de l'aimer. Mais lakin, ça c'est un amour tabi'i. Ce n'est pas un amour en Allah. Tu vas l'aimer pour ce qu'elle aime, elle, concernant sa religion. Ce n'est pas un amour en Allah. C'est un amour naturel. Comme si toi, tu vas voir une personne devant toi, un enfant ou alors une personne même âgée qui fait un accident. Je donne un exemple. Ala sabil al-mithal. À titre d'exemple. Un non-musulman qui va faire un accident, il est en train de souffrir. Tu vas avoir cette tristesse envers lui. Quelqu'un va venir dire, du bilas, c'est un kafir, tu vas pas droit. Ah, badan. C'est un huzn tabi'i, c'est une tristesse, ou plutôt c'est un sentiment yani tabi'i, naturel. Donc il n'y a pas de mal ça, concernant yani ces sentiments-là qui sont naturels. Ça je voulais souligner ici avant de continuer. Donc le prophète était à côté d'Abu Talib. Et Abu Talib kana ala firash al-maut. Donc il était sur son lit de mort. Et donc là, le prophète alayhi salatu wasalam, il lui disait, ya am, qu'il la ilaha illallah. Il lui disait, ya am, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. وكما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لقنوا موتكم لا اله الا الله النبي عليه الصلاه والسلام الذي يعني انكلكي او ديت ا vos morts يعني لا اله الا الله c'est-à-dire à ceux qui sont sur ou dans al-gharghara يعني في السكرات dans l'agonie de la mort ou يعني quand on sait que d'après يعني par exemple les médecins ce qu'on dit ou ce qui يعني pense être le plus sûr ils disent par exemple le médecin il lui reste que quelques heures à mourir ou quelques jours c'est bien de rester à côté du mort et de temps en temps de lui dire la ilaha illallah pour qu'il meure avec la ilaha illallah. Car le prophète Aïssam, il dit dans un hadith al-sahih, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah. C'est connu. Il rentre au paradis. Lakin, il y a des règles. Il y a des règles. Qawa'id huna. Et ça, on ne peut pas lire un hadith et l'appliquer comme on veut. Il faut regarder sharh al-hadith. Sharh al-hadith. D'abord, awalan, est-ce que le hadith il est da'if ou il est sahih? Awalan. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-ulama. المتحققين بالعلم الشرعي على هذا الحديث concernant ou sur ce hadith là. Et on va voir ça, une petite parenthèse qu'on fera inshallah ta'ala. Et le prophète عليه السلام lui dit كلمتان احج لك بها عند الله عز وجل. Il disait ça à son oncle Donc, il disait, ça, dit la ilaha illallah, c'est une parole au moyen de laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui disait, ici, avec des paroles douces, dit la ilaha illallah. Et Abu Lahab et Abdullah ibn Abi Umayya s'empressèrent de dire, oh Abu Talib. Donc Abu Lahab, il était là, jusqu'à la fin. Et il était en train de lui dire, oh Abu Talib, vas-tu sortir de la religion de Abd al-Muttalib? Est-ce que tu vas quitter la religion de ton père? Regardez. Regardez ici quel argument il utilise pour le sensibiliser. Tu vas laisser Abd al-Muttalib, la religion de ton père, pour suivre la religion de ton neveu. Il dit, ne laisse pas la religion de ton père. Et ensuite, il ne cessèrent de lui parler au point que la dernière parole prononcée par Abu Talib, l'Asaf al-Shadid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je meurs ici sur la religion de, ou plutôt je reste plutôt à fond dans la religion de Abd al-Muttalib. Et il est mort avec ses paroles. Alaykoum salam. Donc il est mort avec ses paroles. Il n'est pas mort avec la ilaha illallah. Ce n'est pas donné à tout le monde de mourir avec la ilaha illallah. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et plus tu auras aimé Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu auras vécu avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ça sera facile. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera kalimatu tawhid, inda sakarati wal kurubat. Allah azza wa jal te facilitera, car c'est Allah qui facilite les paroles de tawhid, inda sakarati wal kurubat. Le moment où personne ne pourra être profitable, ni les médecins, ni la femme, ni les enfants, ni les parents, tout le monde sera autour de toi impuissant pour te rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient toute chose. Et Allah fait ce qu'il veut. Et qu'on est tous où notre retour est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. Allah te rappelle que tu es faible. Tu as été créé faible. Et ta fin sera une faiblesse. Ta fin sera une faiblesse, qu'on le veuille ou non. Et donc, à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'implorerai quand même le pardon en ta faveur. Il a dit, je ferai l'istighfar pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ma kana lil-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin. Nazala subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya. Allah a révélé ce verset coranique. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah عز وجل dit dans le Coran, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants, ni aux prophètes ni aux croyants, ni aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Sourate 9, verset 113. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, il a aimé, et on a parlé de ce hub tabi'i, et il a été proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais voulu trahir le prophète, alayhi salatu wassalam, bien qu'il était associateur. La preuve que même un non-musulman peut te porter soutien. Et tu te dois de te comporter bien avec lui. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est toujours bien comporté avec son oncle, ici, Abu Talib. Et il n'a pas désespéré jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort. Il a tiré sa responsabilité, le prophète alayhi salatu wassalam, quant à sa da'wa envers ici Abu Talib. Et il a soutenu Abu Talib aussi pour qu'il embrasse l'islam jusqu'à ses derniers instants. Et il a aimé, mais Allah azza wa jalla a descendu le verset coranique. Innaka la tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah azza wa jalla guide qui il veut. Car le prophète a aimé d'un amour tabi'i, ici son oncle, et Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète alayhi salatu wa salam que l'hidayah min Allah Azza wa Jal, fayudillu Allah man yasha, wa yahdi man yasha, wa huwa al-aziz al-hakim, comme a dit Ta'ala. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Allah dit, tu ne guides pas ce que tu aimes, et Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Quelquefois tu peux être amené à avoir mal, parce qu'une personne de ta famille n'embrasse pas l'islam, ou ne veut pas croire. Donc il faut te rappeler ce verset coranique. Que tu ne guides pas, ابتداء لحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام, ou على حبيبنا المصطفى نزلت هذه الآية, ابتداء. Avant tout, elle est descendue sur le prophète. Lakin, comme nous avons vu dans Usul al-Tafsir, les versets coraniques, tant qu'il n'y a pas une preuve que c'est particulier, khas, à une personne bien spécifique ou à une époque bien spécifique, c'est général. Ça, c'est général, ayyuha al-ikhwatul kiram. Il faut que tu saches que tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, mais tu dois te rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam a fait ad-da'watu ila Allah azza wa jal avec Abu Talib jusqu'à ses derniers instants. Tu ne dois pas désespérer. Et tu ne dois pas laisser al-hikma wal-maw'idhati al-hasana. Ici la sagesse et la bonne exhortation avec ceux qui ne croient pas en la religion. Même si c'est des personnes proches de toi et ils sont non musulmanes, ça ne veut pas dire que tu dois les insulter ou leur manquer de respect. Bien au contraire, belle. بالعكس, l'inverse, tu dois être, avoir le meilleur comportement avec eux. Avoir le meilleur des comportements avec eux pour les attirer à cette religion qui est la religion de l'islam. D'après un hadith authentique, ici pour revenir un peu concernant cette situation-là. Ici, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, il dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wa salam, et le hadith il est cité dans As-Silsilatu As-Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, il dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wa salam, donc il dit, il raconte ce récit, il dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wa salam, ton vieil oncle, égaré, est mort. Eux, ils étaient au top de l'Wala ou al-Bara. Ali, Abu Talib, c'était qui pour Ali? C'est son père. Et il va voir le prophète alayhi salam, il dit, ton vieil oncle, égaré, est mort. Al-Wala ou al-Bara. Eux, ils avaient vraiment leur cœur rempli pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient satisfaire, ils aimaient, ils détestaient quand Allah subhanahu wa ta'ala. Il a su qu'il était mort dans une situation de kufr, il a dit ton vieil oncle égaré alors que c'est son père est mort. Et ensuite, ici, il lui dit qui va l'enterrer? Donc il lui dit qui va enterrer cette personne qui est morte, c'est-à-dire mon père, qui va l'enterrer? Il dit au prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salam il a dit à Abu Talib, à Ali Afwan, à Ali le fils d'Abu Talib, il a dit va l'enterrer. Il lui a dit va l'enterrer alors qu'il est mort, kafir. Et Ali c'est un musulman, musulman, mu'min, alhamdulillah, il lui a dit va l'enterrer quand même. Et ici, il dit Ali, je ne l'enterrerai pas puisqu'il est mort idolâtre. Mais ta ala shirk, il a dit je peux pas l'enterrer, il est mort alors qu'il a fait, il est mort avec des paroles de kufr. Et le prophète il lui a dit va l'enterrer. Amrun min awamiri habibina al-Mustafa alayhi salam. Un ordre, il lui a dit va l'enterrer. Et il lui dit, et puis ne fais rien d'autre avant de retourner, écoutez bien, ne fais rien d'autre avant de retourner auprès de moi. Je suis allé l'enterrer. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, il dit, je suis allé l'enterrer. Ensuite, je suis retourné auprès de lui avec des traces de sable sur moi. Il me dit d'aller me laver et avait pour moi des prières qui me sont plus précieuses que tout ce qu'il y a sur la terre. Hadith authentique, comme l'a mentionné Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Silsilatu As-Sahiha. Qu'est-ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sharh? Dans l'explication de ce hadith. Il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son commentaire. Dans le commentaire de ce hadith. Il est institué que le musulman s'occupe de l'enterrement de son proche idolâtre. Il dit ce hadith prouve que si tu es un proche parmi ta famille qui meurt alors qu'il est mort dans l'idolâtrie, yani dans shirk, il est mort alors qu'il n'était pas musulman, il t'est autorisé et tu dois t'occuper ici de son enterrement. Tu as droit de l'enterrer, même s'il n'est pas musulman. Et ce hadith prouve cela. Awalan, première des choses. Car cela ne l'empêche pas de détester l'idolâtrie. Car même si toi, ton père est mort par exemple, alors qu'il n'est pas musulman, est-ce que ça va t'empêcher ici de détester al-shirk? Ça ne va pas t'empêcher. Et en plus le prophète alayhi salam, il a ordonné à Ali, va enterrer ton père, même s'il est mort sur shirk. Donc ça c'est la preuve à Dalil que tu as droit d'enterrer un associateur. D'accord, awalan. D'accord, ne vois-tu pas que Ali, ça c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui dit, ne vois-tu pas que Ali a refusé au départ d'ensevelir son père en disant qu'il était mort idolâtre, à la shirk. Ensuite, il croyait que dans ce cas, le fait pour lui de s'occuper de son enterrement risque de l'entraîner dans l'alliance interdite dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ne prenez pas pour allié des gens qui se sont attirés la colère d'Allah. Allah Azza wa Jal dit, ne prenez pas pour allié des gens qui se sont attirés la colère d'Allah. Donc Cheikh Al-Albani disait que Ali, radiyallahu anhu arda, pensait que ça allait être une alliance, une certaine alliance ici, un certain cautionnage. Et le prophète, tu lui as dit, non, ça n'a rien à voir. Lui, il est mort à la shirk, toi, va l'enterrer. Khalas, ça n'a rien à voir. Mais quand le prophète, alayhi salatu wasalam, a réitéré son ordre, il a vite obtempéré et abandonné l'idée qu'il avait conçue. C'est de cette manière que l'on doit obéir. L'on doit laisser son opinion pour se conformer à l'ordre du prophète, alayhi salatu wasalam. Regardez, Cheikh Al-Albani. Il dit, ça, c'est la preuve que quoi? Toi, tes passions, tes opinions personnelles. Ana ara, ana adhun. Moi je pense, moi je vois. Ça tu les laisses de côté. قال الله وقال الرسول سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Comme Allah عز وجل dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ton je vois, je crois, je pense, tu le mets de côté. D'accord? Et ensuite, il dit, Nam. Et il dit aussi, il mentionne Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'on doit, il me semble, que l'enterrement du père ou de la mère idolâtre est la dernière façon de faire preuve de la bonne compagnie à leur égard. Cheikh Al-Albani dit que ça c'est يعني min husni al-khuluq. C'est partie du bon comportement avec la personne. Chauffe, même si elle est idolâtre ou mushrik, il dit que ça fait partie de la du bon comportement. يعني de l'enterrer bien qu'il soit idolâtre, parce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné le bon comportement avec nos parents, même s'ils sont associateurs. Même s'ils sont associateurs, tu dois avoir le bon comportement envers eux. Tu les écoutes pas s'ils t'ordonnent d'obéir, ou plutôt afin de désobéir à Allah, mais tu dois te comporter bien avec eux. Naam. Et ensuite, une fois l'enterrement achevé, le fils n'a pas à implorer le pardon pour le défunt compte tenu de la parole d'Allah. Il dit, tu n'as pas le droit de faire al-istighfar. Cheikh Al-Albani dit, tu fais pas l'istighfar pour la personne qui est morte à la shirk. Et il dit, يعني, compte tenu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Le verset coranique qu'on a cité, sourate 9, verset 113. S'il en est ainsi, que dire de celui qui implore le pardon divin pour certains infidèles sur les pages des journaux et revues dans le cadre des annonces de décès publiées pour empocher quelques sous, que craigne Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui s'intéresse à son sort dans l'au-delà. 2. La loi n'autorise pas un musulman à faire la toilette mortuaire. Hada binisba, yani, ça concerne le fait de l'enterrer. Tu peux l'enterrer. On a vu le dalil ici. Dans ce c'est la tous sahih. Il dit lakin, le fait de faire quoi? Le lavage mortuaire. D'accord? Yani, de laver le mort, s'il n'est pas musulman, interdit. Bi ijma'il ulama. Ça, t'as pas le droit de lui faire le lavage mortuaire. D'accord? Et un non-musulman, ni à l'habiller, ni à lui faire la prière des morts. D'accord? Donc, la yukafan, la yurassal, donc tu lui mets pas le kafan, tu lui fais pas le lavage mortuaire, et tu ne pries pas sur lui. Ça, c'est benesbal kafir. Amma le fait de l'enterrer, la haraj, et on a vu la preuve ici, comme ici dit, et mentionne aussi Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il dit, fut-il son proche parent, parce que le prophète, alayhi sallam, n'en a pas donné l'ordre à Ali. Car le prophète, il a dit à Ali, va l'enterrer, mais est-ce qu'il lui a dit, va le laver? Est-ce qu'il lui a dit, va lui mettre, yani, al-kafan, on va faire la prière sur lui? Non. Donc, la preuve que tu as droit simplement de l'enterrer. Simplement de l'enterrer. D'accord? Or, si cela était permis, il aurait expliqué compte tenu du principe bien établi selon lequel il n'est pas permis de retarder une explication par rapport au moment où l'on a besoin. Ceci est l'enseignement de l'école des Hanabila et d'autres. 3. La loi ne permet pas aux proches parents du défunt de participer au convoi funèbre. D'accord? Al-janaza. Le fait de suivre le janaza. Donc on a dit, on peut l'enterrer. On n'a pas le droit de le laver, on n'a pas le droit de lui mettre le linceul, et on n'a pas le droit de faire la prière sur lui, et même pas de suivre son cortège funèbre. Parce que le prophète, A.S.M., il aurait autorisé à Ali de suivre son cortège. Et en plus de cela, regardez d'un hadith tout ce que dégagent les savants, l'ulama. Et ils disent, sinon le prophète, il l'aurait fait. S'il aurait eu un bien, il aurait suivi le cortège de Abu Talib, parce que le prophète aimait Abu Talib, il aurait suivi avec lui. Il aura enterré avec, et il serait parti. Même le cortège funèbre, tu n'as pas le droit de suivre. Amma le fait de l'enterrer simplement, la ba's, wa la haraj ala dhalik, inshallah ta'ala. D'accord? Et donc, yani, le prophète alayhi salatu wa salam nous montre aussi qu'on doit répéter aux morts, à côté du mort, la ilaha illallah. Kama qulna, qala alayhi salatu wa salam, laqinu mawtakum, la ilaha illallah. Donc, ici, répétez à vos morts, la ilaha illallah. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait avec Abu Talib. D'accord? D'après Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi Sahih Al-Jami'. D'accord? Dans Sahih Al-Jami', Cheikh Al-Albani mentionne ce hadith rapporté par Ibn Hibban selon Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, inculquez la ilaha illallah. D'accord? À vos morts, dites la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui en fait sa dernière parole avant de mourir entrera au paradis. Un jour. D'accord? Un jour, bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala. Si tu dis la ilaha illallah, tu rentreras au paradis. Bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, on voit que at-tawhid, c'est une chose extrêmement importante. Et que la religion repose sur at-tawhid. D'accord? Car Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Par ça, il pardonne qui il veut. Et celui dont sa dernière parole c'est la ilaha illallah, il rentre au paradis. Un jour ou l'autre, tu rentres au paradis. Bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala. D'accord? Dût-il subir auparavant ce qu'il devait subir? Donc dans ce hadith, le prophète A.S. il a dit, un jour il rentrera au paradis, même s'il doit passer par l'enfer, ala kulli hal bi idnillahi tabaraka wa ta'ala, s'il l'a dit sincèrement, un jour ou l'autre il rentrera au paradis. Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Al-ulama, il dit, ahlul ilm, les savants, désapprouvent, yakrahoun, ils détestent, ils désapprouvent. Qu'on insiste à inculquer trop d'éléments à l'agonisant, ou qu'on lui demande de répéter une formule, il faut éviter de l'accabler et de rendre son état plus critique, car il pourrait alors détester au fond de lui-même la chose. Les ulama disent, il ne faut pas lui demander de répéter la formule, la ilaha illallah, à moins qu'il ne dise autre chose après l'avoir prononcé. Dans ce cas, on lui demande d'en faire sa dernière parole. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala? Ils disent, regardez, il y a une politesse, il y a une hikma à avoir. Al-hikma, ma al-hikma, c'est quoi al-hikma? On a dit, comme il a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, c'est de dire ce qu'il faut, au moment qu'il faut, et de la manière qu'il faut. Ça, c'est al-hikma. Tu dis pas n'importe quoi, même si tu as 4 tonnes de ilm, faut savoir quand tu transmets cette ilm. À quel moment, de quelle manière, at-tartib, at-tadarruj, il faut que tu connaisses ça, par quoi tu commences ta da'wa. Tu connais l'ensemble, la situation des gens. Est-ce que c'est le moment de dire ça ou pas? Toi, tu sais, mais les gens, ils vont pas comprendre quelquefois. Ils vont pas comprendre certaines choses. Mais celui qui agit avec hikma, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'il faut dire ça à ce moment-là, de cette façon-là, parce qu'il a atteint al-hikma. Et celui à qui Allah Azza wa Jal, il lui a été donné al-hikma, faqad utiya khayran kathira kama qala ta'ala. Il lui a été donné un grand bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut une hikma, une sagesse quant à l'application des récits prophétiques. Le prophète alayhi salatu wasallam nous enseigne qu'il faut dire la ilaha illallah. Mais comment? Ici, wallahi al-adim, on a entendu des histoires, il y a des gens, ils ont presque insulté. Wallahi al-adim, presque insulté des gens qui sont venus leur rendre visite dans les hôpitaux. Pourquoi? Il y a des gens qui nous rapportent des récits, même on a entendu. Il est sur son lit de mort, il sait, à la kulli hal, le médecin lui fait comprendre qu'il lui reste 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, comme une fois j'ai entendu. La personne, il sait qu'il est proche de sa mort. Ça c'est min umur al-ghayb. Lakin, à la kulli hal, les médecins lui disent, nous, d'après notre science à nous, il lui reste peu de temps. Lui, il le sait, il est sur son lit de mort. Une personne vient lui rendre visite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à qraire le Coran sur lui, surat Yassin. Ça se fait ça ou pas? Toi, t'es sur ton lit de mort, t'es encore conscient. Tu es conscient, tu vois les personnes, lakin tu sais que ça a été, t'es proche de la mort. Quelqu'un vient vers toi, il vient, Yassin, wal Quran al-Hakim, innak, il commence à qraire le Coran. Ça veut dire quoi, toi? Il est en train de l'achever. Ça veut dire quoi? Je suis en train de mourir ou quoi? Au lieu de lui remonter le moral, innaka ala khayr, insha'Allah ta'ala, tahur, insha'Allah ta'ala, la bas, insha'Allah ta'ala, ça va passer. Toi, tu viens, tu crois Yassin Ali. Il va dire quoi? Il est en train de me tfen ou quoi? Wallah, il a insulté, il a dit, sors, wallah, il y a une histoire, il lui a dit, dégage, sors d'ici. Il lui a dit, sors de cette chambre. Et la personne, en plus de ça, il a pris mal. Ouais, allez, moi, je vais le rendre visite, il me dit, sors d'ici, alors que je lui crois le Coran, allez. Subhanallah, l'adim, c'est quoi ce adab? Min qillati l'adab, hada. Hada, ça, y a ni sunna, ni rien du tout. Ça, tu viens, tu le crois sur la tiesse. Y'a'ni, parce qu'il y a un hadith. Lakin, kathir min ahli l'ilm, da'afu hada l'hadith. Ala kulli hal. Walau kana sahih. Y'a, le hadith, le prophète, alayhi sallam, il a dit, concernant surat Yassin, il a recommandé de réciter sur les morts Yassin. Certains savants, ils l'ont rendu faible. Même s'il est authentique, il y a une explication sur ceux qui ont considéré ce hadith jugé bon. Et ils ont dit quoi, les savants? Ce n'est pas sur pendant qu'il est mort. Lakin, c'est quand il est fil gharghara, quand il est dans l'agonie de la mort. C'est pour faciliter l'âme, ar-ruh, l'âme à sortir. D'accord, de réciter Yassin. Mais ça, il est dans le gharghara. Ah, mais il est conscient. Il te voit, tu lui parles, il te répond, tu crois Yassin, allez. Et lui, il connaît ce hadith. Il va dire quoi? Il croit, je suis en train de mourir ou quoi? Bien sûr, il va le prendre mal. Donc, là, min qillati l'adab, tu vas et tu le remontes le moral. Inch'Allah ta'ala, ton visage, il est mieux, ça va mieux. Et tu restes 2-3 minutes. Pas plus. 2-3 minutes, il est fatigué, tu repars. Et tu vas en petit groupe. En petit groupe, 2 personnes, 3 personnes. Machi, tu viens à 10 dans la chambre et tu restes pendant 3 heures. La personne, il est fatigué, il est aïen, il a envie que tu pars et toi, tu restes pendant 3 heures. Ça, c'est min qillati l'adab. Et sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve ça beaucoup chez les gens. Ala kulli hal. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Que les savants, ils détestent de faire répéter beaucoup. Regardez, le prophète, il le dit de faire. De dire la ilaha illallah. Mais de répéter beaucoup la ilaha illallah au mort. Pourquoi? Il dit, à partir du moment où le mort, tu vois, je dis pas le mort, la personne qui est proche de la mort, ala kulli hal, il dit la ilaha illallah, stop, tais-toi. Tais-toi. Parce que quoi? Ça y est, sa dernière parole, c'est la ilaha illallah. Pourquoi tu insistes encore? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lui, il va dire la ilaha illallah. À la fin, il va dire, je suis kafir ou quoi? Ça y est, il a dit la ilaha illallah, tais-toi. Pourquoi? Parce que sa dernière parole est la ilaha illallah, ils disent par crainte que tu lui fasses détester ça, wal iyadu billah. C'est comme une personne, tu lui répètes. À la fin, il va dire, ah, subhanallah, il me casse la tête, celui-là. Ça arrive, ça c'est tabi'i, c'est naturel. Donc, tu dis, il dit la ilaha illallah, khlas. Ça y est, tu lui dis avec adab. D'accord. Première des choses à savoir. Parce que si tu l'entends, par contre, si tu l'entends dire d'autres paroles, reviens sur la ilaha illallah. Il faut que sa dernière parole, c'est la, tu lui dis, alhamdulillah, innaka ala khair, par exemple, il dit d'autres paroles, oui. Il commence un peu à délirer. Quelquefois, la personne qui est proche de la mort, quelquefois, il dit n'importe quoi. Il part, il dit, il faut que sa dernière parole, c'est la ilaha illallah. Bi adab, avec politesse. La ilaha illallah, doucement à côté de sa tête. Il dit, khalas, tais-toi. Première des choses. D'accord. Deuxième des choses. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. Imam al-A'immah, ce grand imam. Ici, il agonisait. Un homme se mit à lui dire avec insistance, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il lui disait, dis la ilaha illallah, dis la ilaha. Il insistait. كَرَ يُرَكِّزْ عَلَى ذَلِكْ Dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Et il rapporte l'agonisant, lui dit, c'est tout ça Abdullah ibn Mubarak qui rapporte, il dit, l'agonisant dit, ce n'est pas bon et je crains que tu me fasses mal, que tu ne fasses mal à un musulman après moi. Il dit, c'est pas bon. Regardez l'agonisant. Ou afil gharghara, il lui dit, là, il s'accadèle. Ce n'est pas comme ça. Et j'ai peur que tu fasses mal à un musulman après moi. Parce que l'autre, il insistait sur lui. Il dit, dis là, il est là, il a dit. Lui, il est, fil gharghara, il lui dit, c'est pas bon ce que tu fais. Regardez, subhanallah. Il dit, c'est pas bon. Quand tu m'as inculqué et que je n'ai suivi sans rien prononcer après cela, tu devrais me laisser et attendre que je prononce d'autres propos avant de recommencer l'inculcation de sorte à faire de son contenu ma dernière parole. Il dit, quand t'as vu que, regardez, l'agonisant, il dit, quand t'as vu, j'ai dit la ilaha illallah. Laisse-moi, n'insiste pas. Tu redis la ilaha illallah que si tu vois que j'ai dit quelque chose d'autre après. Ah, mais si j'ai rien dit, ne dis rien du tout et n'insiste pas. Par crainte que quoi? Tu vas faire du mal à la personne et c'est toi qui vas le pousser à dire autre chose, wal'iyadu billah. Donc, regardez, al-adab, la politesse et l'hikmah, la sagesse qu'il faut avoir quand on est, yani, auprès d'un lit de mort. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Toujours sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Uthaymin? Premièrement, le contenu de l'inculcation, le fait de dire قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Regardez Cheikh Al-Uthaymin. Regardez tout ce que disent les ulama sur un hadith. Non, les hadiths, c'est bon, je sais, tu vas et tu fais n'importe quoi. La preuve, c'est pas comme ça. Il faut regarder Sharh Al-Hadith. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit quoi? Premièrement, soit tu dis bil amr, à l'impératif, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ou bien, tu dis pas قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tu insistes pas. Tu dis juste لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. La ilaha illallah. Il dit, il y a deux façons de le dire. Bihasab al-hal. Ça dépend de la situation. Il dit, soit tu as droit de dire quelquefois, qul la ilaha, et t'insistes, quelquefois faut pas insister. Regardez, Cheikh Al-Uthaymin, et il a ses preuves. Il dit quoi? Il dit, soit tu dis la ilaha illallah, ou alors tu dis simplement à côté de lui pour lui faire rappeler. Et il dit, il convient de tenir compte de l'état du malade, s'il est assez résistant ou non musulman. On lui donne un ordre en lui disant « Qulla ilaha illallah ». Si tu vois que le musulman qui est sur son lit de mort, c'était quelqu'un de « Hamdulillah », il était très dur. Et il avait des convictions religieuses. C'était un homme fort, c'est pas un homme faible. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-sahih, « Al-mu'minu al-da'if » ou « Al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ilallah min al-mu'minu al-da'if » dans le hadith rawahu muslim. Le prophète Hassan, il dit quoi? Le croyant fort est plus aimé, préférable auprès d'Allah que le croyant faible. Et il dit dans le hadith, et dans les deux, il y a un bien. Hamdulillah. Lakin le croyant fort, c'est pas que physiquement, c'est mentalement, avec l'iman, d'accord? Par, au niveau de sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de sa piété, il est fort. Quand tu sais que cette personne-là s'accrochait, il avait un haut niveau dans la religion, et il dit pas la ilaha illallah, insiste, dit qul la ilaha illallah. Parce que tu sais que lui, il faut le booster, y a pas de problème. Ou alors, c'est pas un musulman, tu lui dis qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Parce que c'est pas avec des petites paroles que, ça, il faut insister. Cheikh Al-Uthaymin, il dit pour le kafir, ou pour celui-là qui était dur dans la religion, était vraiment bien dans la religion, dit « قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ». Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Talib? « قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ». Istadalla bihadha al-hadith. Il a pris comme argument ce hadith. Et Abu Talib, c'est un mécréant. Il lui a dit « dit la ilaha illallah ». Et il dit, par contre, quand tu vois que la personne, c'est un musulman, mais yani, il était pas bien ancré dans la religion, comme il y a des gens, regardez l'ulama. Il y a des gens, quelqu'un qui est pas bien dans la religion. Tu vas commencer à lui parler de choses, yani, qui concernent, par exemple, yani, al-riba, par exemple. Des sujets qui font mal. Al-riba, par exemple. Ou alors, des sujets, yani, as-salat fi waqtiha. Et lui, il est loin de la religion. Il va aimer ou pas? Ah, il va dire, c'est bon, moi je sais, vous exagérez, etc. Vous avez vu? Quelqu'un qui est ancré dans la religion. Il rentre dans la religion, il veut accepter. Il me dit, mon frère, dis-moi ce qui est halal, ce qui est haram. Dès que tu lui dis quelque chose, sami'ana wa ata'ana, il applique. Lui, il faut être dur avec lui ou pas? C'est pas dur. Mais est-ce qu'il faut tout lui dire? Dis-lui riba c'est haram, explique-lui, il va accepter. Bihasab al-hal. C'est ça le hikma. Tu t'adaptes aux gens. Pareil, la personne qui est faible dans la religion, il était loin de la religion. Si tu insistes, qu'on l'aille, il va dire quoi? Oh, celui-là, il me casse la tête, c'est bon, laisse-moi tranquille, moi je suis malade, toi tu me dis qu'on l'aille. Vous avez vu? Tandis que la personne qui est bien ancrée dans la religion, lui, va te demander, insiste. Lui, tu peux le pousser. D'accord? Lui, tu peux insister pour qu'il dise la ilaha illallah. Celui qui est loin de la religion, va doucement. Va à côté de lui, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen, et dit doucement. La ilaha illallah. Tu attends un peu. Tu regardes ce qu'il dit, etc. La ilaha illallah. Pour pas yani que ça soit, que ça l'énerve. D'accord? Comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Ou d'autres, yani, expressions similaires. S'il dit pas la ilaha illallah, fais-lui donner, yani, dis-lui des paroles qui rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, pour le rapprocher de cette kalima, qui est la meilleure des paroles sur la surface de la terre, kalima tout tawhid, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et ici, concernant toujours ce sujet-là, à la Kamel Aisha, 58. Pour terminer, concernant ce sujet-là, regardez la première épreuve qui a touché le prophète alayhi salam pendant Amul Huzn, ce qui a tristé vraiment pendant cette année, le prophète alayhi salatu wasalam, il y a eu la mort de son oncle Abu Talib. Il est où Abu Talib? Le prophète alayhi salatu wasalam, il a invoqué pour lui. Il est où Abu Talib? Aïna Abu Talib? Aïna Abu Talib? Finnar. Ça, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Abu Talib, il est en enfer. C'est le prophète alayhi salatu wasalam, alladhi la yantiqu ani al-hawa, qui, yani, akhbarana ala dhalik. Ou an dhalik. Le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a mis au courant de ça. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith selon Nu'man ibn Bashir, rapporté par Al-Bukhari Muslim fi Sahihain. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui subira le plus petit châtiment, et ça je l'ai cité dans le khutbah, d'accord? Khutbah je l'ai cité, concernant Jahannam. Yani, la personne qui a le plus petit, yani, châtiment en enfer, le plus petit châtiment en enfer. Le plus léger afwan ou petit châtiment en enfer. Il possédera deux chaussures munies de deux courroies en feu. Deux braises seront collées à l'intérieur de ses pieds. D'accord? Et dans une version, en dessous les plantes de ses pieds. De sorte que son cerveau bouillira comme une écuelle. Selon une version, il considérera que personne n'est plus durement châtié que lui alors qu'il subit le châtiement le plus léger. D'accord? Sous ses plantes, les plantes de ses pieds, il aura deux braises. D'accord? En dessous ses pieds. Plus petit, ahwan. Le plus léger châtiment des gens de l'enfer. Tellement que ça va chauffer son cerveau. Al-mukh, le cerveau, il va bouillir. Il va bouillir. Hatta yadhun al-miskin, jusqu'à ce qu'il pense qu'il a le châtiment le plus dur en enfer et le plus élevé en enfer. Alors que le prophète Hassan dit, c'est lui qui a le châtiment le plus léger en enfer. Et dans une version rapportée par Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam a mentionné que c'était le châtiment réservé à son oncle Abu Talib. C'est le châtiment réservé à son oncle. Alors que le prophète l'a aimé, lakin mata ala shirk. Il est mort sur, dans l'association, et c'est le châtiment réservé aussi à l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, Abu Talib. L'oncle du prophète est mort, na'am, et la femme qui a soutenu le prophète alayhi salatu wasalam, la femme qui a été aimée par le prophète alayhi salatu wasalam, la femme qui a dit, wallahi la yukhzika Allahu abada, hinama raja habibina al-Mustafa alayhi salam min ghar Hira ma'a Iqra. Quand le prophète est revenu de ghar Hira avec Iqra et qu'il a dit zammilouni, zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, il était choqué, il était terrifié, il tremblait, il avait peur. La femme qui lui a dit wallahi la yukhzika Allahu abada, wallahi Allah t'humiliera jamais, elle a remonté le moral du prophète alayhi salatu wassalam. La première des femmes qui a embrassé, plutôt la première personne qui a embrassé l'islam, est décédée dans la même année. Abu Talib est mort la même année. Khadija radiyallahu anha wa ardaha est décédée. Alors qu'elle a soutenu et aimé le prophète alayhi salatu wassalam. Ça a encore fait plus mal au prophète. Deux personnes que le prophète aimait beaucoup. Une personne qu'il aimait d'un amour tabi'i, c'était son oncle qui l'a soutenu. Et une personne qu'il aimait d'un amour, un amour en Allah subhanahu wa ta'ala, Khadija radiyallahu anha wa ardaha, qui l'a soutenu. Deux soutiens sont morts. Deux soutiens sont morts ici, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait 50 ans. Le prophète, il avait 50 ans. Et Khadija, elle est morte alors qu'elle avait 65 ans. 25 ans, ils ont vécu ensemble. Ils ont vécu 25 ans ensemble. 25 ans de mariage. 25 ans de bonheur. 25 ans de soutien. Jamais elle a haussé le ton sur le prophète alayhi salatu wassalam. Elle n'a fait que soutenir le prophète alayhi salatu wassalam, Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha. Naam. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont proposé, yani, de se marier. Et ça, c'est Khawla, radiyallahu anha wa ardaha, qui a été, ici proposé à deux femmes le mariage avec le prophète alayhi salatu wasallam, comme il est mentionné dans le hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad, à Saouda et à Aïcha radiyallahu anhuma. Donc le prophète alayhi salatu wasallam, ici, ils lui ont proposé le mariage, avant tout avec Saouda. Avec Saouda, et le prophète alayhi salatu wasallam a accepté. Donc après Khadija, le prophète s'est marié avec Saouda. Et après Saouda, le prophète s'est marié avec Aïcha radiyallahu anhu wa arda, alors que Aïcha n'avait que 6 ans. Et il a consommé le mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans. Alors qu'elle avait 9 ans. Et ça, ça se passe quand? À l'an 10, après la révélation. Là, on est à l'an 10, après la Ba'd al-Bi'tha, après la révélation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, ici, il a reçu cette proposition, yani, et il a envoyé, ici, où Khawla s'est proposé, Khawla bint Hakim, radiyallahu anhu wa ardaha, est partie voir Saouda, qui, celle-ci, bien sûr, a accepté. Aïcha était bikr, elle était vierge. Elle ne s'était jamais mariée, bien sûr, elle avait 6 ans, il a consommé le mariage avec elle à l'âge de 9 ans. Et Saouda, bien sûr, c'était une femme qui était déjà mariée, elle était veuve. Son mari était mort, ou est mort, yani, le prophète s'est marié avec elle, et Aïcha radiyallahu anhu wa ardaha a dit dans un hadith rapporté par Muslim, concernant Saouda, c'était des co-épouses, et regardez l'amour et l'entraide qu'il y avait entre elles. Elle dit, je n'ai guère connu de femme à laquelle j'aurais aimé ressembler autant que Saouda. Aïcha, elle dit ça sur Saouda. Elle dit, il n'y avait aucune femme à qui j'aurais voulu ou souhaité le plus ressembler que Saouda, qui était une femme âgée. Elle était très âgée, elle était très mûre. Radiyallahu anha wa ardaha. Et rapporté par Muslim, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha dit, lorsque Saouda eut atteint un certain âge, elle m'a cédé sa nuit avec l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wasalam. C'est elle, Saouda. Quand, yani, ici, Saouda était très âgée, Saouda, elle a donné, parce que le prophète, alayhi salam, répartissait ses nuits équitablement entre les femmes du prophète, alayhi salam, entre ses épouses. Et sa nuit, elle l'a laissée. Sa nuit, elle a dit, je la donne à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, car elle savait que le prophète aimait beaucoup Aïcha, et elle savait qu'elle était très âgée. Regardez le niveau de piété. Et elle a dit, ça ikhlas, ma nuit, ça sert à rien que tu viennes voir, je suis très âgée, je la donne à Aïcha, fils abidillah. Regardez le degré qu'avaient les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhun. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a décidé à ce moment-là, alors qu'il y avait cette avalanche d'ibtilaat, d'épreuves, il s'est dit, je vais changer d'endroit. Il a dit, je vais aller à Taïf. Il est parti vers Taïf. Pour voir ici s'il y avait oreilles qui allaient l'entendre. Des gens qui allaient lui prêter écoute. Donc le prophète était à Mecca et il voyait qu'il avait perdu 2 soutiens. Donc il s'est dit, je vais aller vers Taïf. Cette ville qui est à peu près, taqriban, à 80 km de Mecca. Elle est à 80 km de Mecca. Donc il s'est dirigé vers Taïf. Alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, avec Zayd ibn al-Haritha, radiyallahu anhu wa arda, qui était son servant. D'accord? Donc il s'est dirigé vers Taïf pour voir si ici il y allait avoir un impact. Parce qu'à Mecca, il voyait que les persécutions empiraient quand ils ont vu que son oncle était mort. Car son oncle était une cause de soutien. Et ils n'avaient pas ou ils n'osaient pas les Quraysh toucher le prophète alayhi salam par rapport à son oncle. D'accord? Parce que c'est une personne qui avait quoi? De la notoriété, etc. Yani, il venait d'un grand lignage, donc ils n'osaient pas toucher le prophète. Quand ils ont vu que son oncle était mort, donc ils se sont acharnés encore plus sur le prophète. Le prophète est parti. Et il est parti faire da'wah ailleurs. Et ça prouve que quand ta da'wah, comme disent les savants, ne marche pas bien dans un endroit, le haraj, tu peux quitter cet endroit-là pour aller voir si des gens vont t'écouter mieux dans un autre endroit. Ça, il n'y a pas de problème. Car quelquefois, toi, tu vas faire da'wah dans un endroit, les gens, ils vont pas t'écouter. Ce n'est pas toi qui n'es pas bon. Lakin, c'est que c'est comme ça. Quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas d'impact dans un endroit. Donc, quand ils se dirigent dans un autre endroit, ils ont plus d'impact. Et ça nous rappelle que quoi? Le but, c'est d'être quoi? Efficace où que tu sois. Quand tu vois que dans un endroit, tu n'es pas efficace, surtout pour ad-da'watu ilallah et tabaraka wa ta'ala, change d'endroit. Car notre but principal, c'est quoi? Transmettre cette religion-là. C'est pas dormir, manger, boire. Ce n'est pas ça le but. As-sahaba, c'était pas ça leur but. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui préfère une plus belle parole que celui qui appelle à Allah et accomplit les œuvres salutaires et dit je suis parmi les musulmans. Notre but c'est da'watu ila Allah. Tu vois ta da'wa elle avance pas là, va ailleurs. Mais continue da'watu ila Allah. Car le da'i c'est un da'i où qu'il soit. Où que tu sois, tu es un da'i, tu transmets cette religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti ici à Taif. Et donc, quand il est parti à Taif, il est habité ici dans Taif, la tribu de Thaqif. Et il contacta certains notables de la tribu et il leur proposa l'islam. Donc il leur a proposé à des gens, des têtes, yani de Taif, l'islam. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cette religion-là. Et en désespoir de cause, il leur demanda de ne parler, de parler à personne de sa visite. D'accord? Et il leur a dit, d'accord, vous acceptez pas l'islam, laquine vous vous taisez. Il leur a demandé une faveur ici. Il a dit, ne racontez à personne ici que je suis venu ici et que je vous ai invité à l'islam, par crainte des répercussions encore de Quraysh. Et donc ici, la tribu était plus vile qu'on ne pouvait l'imaginer. Elle le chassa et incita à Saraka de le lapider. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont parlé, et ils ont été, entre guillemets, rapporté ce que le prophète alayhi leur avait dit à cette tribu, à Taif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À Taif, ils ont réuni. Regardez, imaginez, son oncle est mort, son épouse est morte, et il n'a pas délaissé ad-da'watu illallah et tabaraka wa ta'ala. Il est parti de Mecca à Medina, écoutez bien, à pied. À pied. Et il est revenu à pied. 80 kilomètres à pied. 80 kilomètres à pied. Alayhi salatu wassalam. Quand il est arrivé à Taif, ils ont réuni les enfants. Pourquoi les enfants? Les enfants pour le lapider, pour jeter des pierres sur lui. Pourquoi les enfants? Pour l'humilier. Pour lui dire, regarde, tu n'es rien du tout. Toi, tu prétends être un prophète. Ils ont réuni tous les enfants du village et ils jetaient des pierres jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam saignait du visage et des pieds. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti avec Zayd ibn al-Haritha. Et il est parti ici, à côté d'une vigne, se réfugier sous un arbre. Sous un arbre, et il est resté ici, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam a levé ses mains, et ici vous savez que là, l'invocation de l'opprimé, celui qui est touché par une injustice, elle a accepté sur le champ. Les savants, ils ont dit, walau kana kafira, même si c'est un mécréant, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a été touché par une injustice, Allah azza wa jal, il accepte son invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, inna dhulm, dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Et ad-du'a, du'a ul mazloum mustajab, mubasharatan, directement elle est acceptée. Bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et quand ils ont lapidé le prophète alayhi salatu wassalam pour l'humilier, le prophète il a reçu humiliation. Ils ont essayé d'humilier le prophète, ils l'ont frappé, ils l'ont martyrisé. Malgré ça, il n'a jamais délaissé ad-da'watu illallah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est revenu ici sous cet arbre-là, il est venu sous cet arbre-là et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Ibn Ishaq, Ibn Jarir, Al-Tabarani et d'autres. Et Al-Haythami l'a mentionné dans un hadith en disant qu'il est jugé bon. Et il a dit, le prophète alayhi salam, je vous l'ai dit rapidement pour terminer, inshallah ta'ala, en français. Et il dit, ya Allah, ô Seigneur, à toi je me plains de mon impuissance, du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des démunis et des faibles. Et tu es mon Seigneur, imaginez-vous, prophète alayhi salatu wassalam qui invoque comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. Entre quelles mains m'abandonnerais-tu? Entre les mains d'un étranger lointain qui ne me montrerait qu'un visage renfrogné, ou entre celles d'un ennemi à qui tu as donné autorité sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, ya Allah, alors je ne me fais aucun souci. Mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Je recherche refuge dans la lumière de ta face qui illumine les cieux et dissipe les ténèbres. Toi qui assures le bon ordre des affaires de cette vie immédiate, de la vie ultime contre ta colère ou ton irritation. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de force ni de puissance qu'en toi. Et il y a les deux fils de Rabi'a qui éprouvèrent un sentiment de pitié et demandèrent à leur esclave, un chrétien nommé Addas, de cueillir des raisins et de les offrir à l'homme. Donc ils ont dit, il y avait deux personnes, ils ont eu de la pitié, ils ont vu le prophète. Ils ont dit, tiens des raisins, va lui donner, alors qu'il est sous l'arbre. Il est parti à Addas. Et le prophète, alayhissalam, quand il a mangé les raisins, il a dit, Bismillah. Addas, il a été étonné. Quand il a vu le prophète, alayhissalam, dire, Bismillah, Addas lui a dit, les habitants de ce pays ne disent pas ces paroles. D'où ça vient ces paroles, Bismillah? Et le prophète lui demanda, d'où tu viens? Il dit, je suis chrétien. Il dit, de quel endroit? Il dit, de tel endroit. Il dit, le prophète, alayhissalam, ah, c'est de là-bas que vient Younes. Younes alayhi salam. Le chrétien, il a dit, subhanallah, il dit, comment tu connais Younes alayhi salam? Il dit, c'est un prophète et c'est mon frère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il lui a dit ça, Addas, il a sauté sur le prophète, il lui a embrassé les mains et il lui a embrassé les pieds. Il a vu que cette personne-là ne pouvait être qu'un prophète. Il lui dit, Younes alayhi salam, alors que lui, il dit, moi je suis chrétien, comment toi tu peux entendre parler de Younes et savoir d'où il vient Younes alayhi salam? Et donc il a commencé à lui embrasser ses mains. Et les autres, Rabi'a, les deux fils de Rabi'a, lui ont dit, Addas, regarde, il t'a corrompu. Quand Addas retourna vers son maître, celui-ci lui dit, malheur à toi, qu'as-tu fait? Il n'y a pas sur terre meilleur que cet homme, dit Addas. Et les deux enfants de Rabi'a se mirent à dénigrer Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et pour terminer ici, le hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim, selon Aisha, radiyallahu anha wa ardaha, qui a dit, une fois au prophète, alayhi salatu wassalam, as-tu connu un jour plus terrible ou plus pénible que le jour de Uhud? Aisha lui a dit, est-ce que tu as connu un jour plus pénible et plus dur pour toi que le jour de Uhud? Et là, on va parler après, par la suite, inshallah ta'ala, de la bataille de Uhud. Il dit, oui, j'ai supporté ton peuple des choses plus pénibles encore, et la plus pénible d'entre elles fut ce que j'ai éprouvé de leur part le jour de Aqaba. Donc, il a parlé de cette situation-là. Et il raconte le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, à ce moment-là, donc, cette situation-là, à Taif, il dit, j'ai levé ma tête au ciel. Dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, j'ai levé la tête au ciel, je vis un nuage qui me couvrit de son ombre, je regardais dans le nuage et j'ai vu Jibril alayhi salam, qui m'appelait en disant, Allah Azza wa Jalla a entendu ce qui vient de te dire ton peuple et le refus qu'ils t'ont opposé. Il t'a envoyé l'ange des montagnes, ici, pour que tu lui ordonnes de le faire ce que tu veux. Donc Jibril lui a dit à Muhammad, dans le Sahihain, il lui a dit, Allah Azza wa Jalla a entendu ce que ton peuple t'a dit. Et il m'a envoyé moi et l'ange des montagnes. Et il lui a dit, tu peux dire ce que tu veux. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit juste à ce moment-là, l'ange des montagnes m'appela et dit, Ya Muhammad, il me salua. Il a salué le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Ya Muhammad, Allah a bien entendu ce que t'a dit ton peuple, et je suis l'ange des montagnes. Or, mon Seigneur m'a envoyé à toi pour que tu m'ordonnes de faire ce que tu veux. Si tu veux que je les écrase entre les deux montagnes qui entourent la Mecque, je le ferai. Il a dit, dua l'a accepté. Allah Azza wa Jal m'a envoyé à toi. Si tu veux que j'explose ou j'écrase ce village entre ces deux montagnes, Bayn al-Arshabayn, c'est-à-dire les deux montagnes ici, je le ferai. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il s'est vengé? Il a dit, fais-le tout de suite. Alors qu'ils l'ont humilié avec des enfants, ils l'ont jeté pierre jusqu'à ce qu'il saignait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah Azza wa Jal dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je souhaite plutôt qu'Allah sorte de leur rein une progéniture adorant Allah seul sans rien lui associer. Il a dit, moi j'espère qu'Allah Azza wa Jal fasse sortir de ces personnes-là une progéniture qui adore Allah sans rien l'associer. Et je vous invite un jour, si vous allez à la Mecque, d'aller à Taif et regarder l'ulama qui est à Taif. Wa hadha bisababi du'a'i habibina al-Mustafa alayhi salatu wassalam, inshallah ta'ala. Et ça, c'est sûrement ici la cause de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà que le prophète après ça, et on verra ça la semaine prochaine inshallah ta'ala, il est reparti à la Mecque. Donc après ça, il est rentré à la Mecque parce qu'ils l'ont refusé à Taif. Et sur le chemin, il a rencontré un groupe de djinns. Il a rencontré un groupe de djinn, et Allah a mentionné ceci dans le Coran al-Karim. On verra ça يعني, la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Aktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.